Thank you, Don. I've got a song for you right now. Real smoky, too. C'était le seul choix, facile de se décider. Chialer ou être méchant, j'ai juré de jamais céder. J'ai pas de faire un dessin, t'as senti mon mal-être. J'préfère suivre mon destin, j'te laisse les clés du palais. Serre-moi, je m'y fais plus fort à chaque combat. Ivresse de promesses, serre-moi. Plus fort, plus fier, plus froid. Nex, tu le sais, les sommes sont colossales. Et pour les yeux, c'est pareil. Tu les entends, ceux qui nous détestent, dis-leur que nous séparent. Papa, je suis un rageur. Personne nous impressionne. Je suis avec elle, mais je suis tout seul. Seul comme dans mon linceul. Avec le dev, hey. Ça m'a énervé, donc j'ai insulté ta daronne, hey. Les mains étaient dans la merde, elles étaient faites pour le time, hey. J'suis sorti de la merde et je remercie mon dieu Damon, hey.